السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى العفو. Sachez que parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Afu, l'absoluteur, celui qui efface les fautes et les péchés. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, le grand pardonneur, celui qui couvre les fautes de ses serviteurs. Il y a At-Tawwab, le grand accueillant au repentir, celui qui les guide au repentir, puis l'accepte de leur part. Allah nous dit dans son livre: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وقال تعالى: أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: وأنا التواب الرحيم. Dans sourate Al-Hajj, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: ainsi en est-il, celui qui se venge sans excès d'une agression qu'il avait subie et qui est ensuite victime d'une nouvelle violence, Allah lui prêtera assurément son secours. Allah est certes pardonneur et absoluteur. Ou Allah est certes absoluteur et pardonneur. Dans Sourate An-Nisa, à cela Allah accordera son pardon, car Allah est absoluteur et pardonneur. Dans Sourate Al-Ahzab, Naam, et afin aussi qu'il agrée le repentir des croyants et des croyantes, Allah est pardonneur et plein de compassion. Dans Sourate Al-Fath, il absout qui il veut, il punit qui il veut, il est cependant pardonneur et miséricordieux. Et enfin, ou plutôt Naam, dans Sourate Al-Fath, en vérité, ou plutôt dans Sourate Taha, en vérité je pardonne. Naam, c'est plutôt dans le Fath, en vérité je pardonne sans cesse à celui qui se repent, croit en moi, pratique le bien et suit le droit chemin. Naam, dans Sourate Taha. Et dans Sourate Al-Baqara, « Wa anna at-tawwab ar-rahim, j'accueille sans cesse le repentir et je suis plein de compassion. » Que signifie ce nom sublime d'Allah, Al-Afu? Al-Afu, huwa alladhi yamhu as-sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi wa huwa qaribun min al-ghafur walakinahu ablagh min li'anna al-ghufrana yunbi'u 'an as-sitr wal-'afu yunbi'u 'an al-mahw والمحو أبلغ من الستر وهذا حال الاقتران أما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما يتناول معنى الآخر. Le sens du nom d'Allah, Al-Afu, est que c'est celui qui efface les péchés. C'est celui qui efface les péchés et passe outre aux désobéissances. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Al-Afu, c'est-à-dire celui qui efface les fautes et passe sur les désobéissances. Et son sens est proche du nom d'Allah, Al-Ghafur, le grand pardonneur. Mais il est encore plus spécifique. Pourquoi? Parce que Al-Ghufran, le pardon, fait référence à ce terme-là, Al-Ghafur, il y a la notion de couvrir la faute et le péché du serviteur. Quant au nom d'Allah, Al-Afu, il y a la notion d'effacement. Allah Azzawajal efface et le fait disparaître. Donc, le fait d'effacer le péché et de le faire disparaître, c'est plus fort encore que de le couvrir et de le cacher. Ça, c'est dans le cas où il y a la juxtaposition entre les deux noms, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même contexte ou l'un à côté de l'autre. Mais dans le cas où on n'en mentionne que un parmi les deux, alors il y aura les deux sens, c'est-à-dire qu'Allah couvre les fautes de son serviteur et les lui efface. Et les lui efface. Quant au nom d'Allah, At-Tawwab, le grand accueillant au repentir, والذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة. التواب, c'est celui qui accueille le repentir de qui il veut. C'est celui qui accueille le repentir de qui il veut parmi ses serviteurs en lui accordant la réussite et le repentir. Allah le guide au repentir, lui donne l'envie de se repentir, puis l'accepte de lui. Dans sourate At-Tawbah, ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وبالقبول لها كما قال سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Donc Allah Azza wa Jal, c'est le grand accueillant au repentir, c'est lui qui accueille le repentir de qui il veut parmi ses serviteurs, en leur accordant la réussite dans le fait d'entreprendre le repentir. Ça, c'est le premier sens. C'est celui qui guide au repentir, donne envie de se repentir. Le deuxième sens, c'est celui qui l'accepte. C'est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Dans Sourate At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est alors que Allah revint vers eux pour les amener au repentir. Pour les amener au repentir. Certes, Allah est le grand accueillant au repentir et plein de clémence. Ou celui qui guide au repentir, plein de clémence. Le deuxième sens, celui qui l'accepte, dans Surat al-Shura, et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et absout les mauvaises actions. Et absout les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites. وَالْعَفْوَ وَالْمَغْفِرَةُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِ لَا يَكُونُ إلا كذلك ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا وبالصفح والغفران موصوفا قال تعالى إن الله كان عفوا غفورا وقال تعالى وكان الله عفوا غفورا. Donc l'absolution et le pardon sont deux caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a tout le temps et fait tout le temps. Elles sont rattaché à son essence. Il ne peut en être autrement. Et les effets de ses attributs et ceux qui s'y réfèrent touchent l'ensemble de ses créatures. Touchent l'ensemble de ses créatures, que ce soit de jour comme de nuit. Allah tabaraka wa ta'ala, exempt soit-il de tout défaut, de toute similitude avec ses créatures, ne cesse d'être connu pour l'absolution des fautes de ses serviteurs, pour passer dessus, pour les excuser, leur pardonner. Il a cela en tant qu'attribut. Et dans Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et certes Allah est et a toujours été absoluteur et miséricordieux et pardonneur. Et dans Surat al-Nisa, et certes Allah est absoluteur et très miséricordieux. والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. Ici, on nous dit que les imperfections des créatures, leurs défauts et leurs péchés, nécessitent à la base la punition de la part de leur Seigneur. Et divers châtiments ou punitions. Mais, qu'est-ce qui empêche cela? Mais l'absolution d'Allah et son pardon repoussent tout cela. Les péchés que nous avons, les imperfections que nous avons, font que l'on mérite, qu'on mérite la punition d'Allah Azza wa Jal. Mais du fait qu'il a l'absolution parfaite et le pardon parfait, tout cela est repoussé. Et pour cela que dans Surat Fatir, il nous dit وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِ يُؤَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِ بَصِيرًا. وهذا من كمال عفوي فلولا كمال عفوي وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة ومثلها قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن هذا الباب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. Dans sourate Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et si Allah s'en prenait aux hommes pour les péchés qu'ils commettent, il n'y aurait plus d'âmes qui vivent sur la terre. Mais ils diffèrent leur châtiment jusqu'au terme fixé. Et quand ce terme échoua, il les jugera en toute connaissance. Ou plutôt, na'am. Si Allah s'en prenait aux gens en fonction de ce qu'ils commettaient, c'est-à-dire comme péché, il ne laisserait aucun être à la surface de la terre. Mais ils diffèrent leur châtiment jusqu'au terme fixé. Et cette punition, on la repousse. Et lorsque ce terme arrive, et lorsque ce terme arrive, na'am, certes Allah sera envers ses serviteurs clairvoyant. Tout cela fait partie de la perfection de l'absolution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sans cette absolution et sans cette indulgence de sa part, il n'aurait laissé aucun dos à la surface de la terre, aucune bête. Tout le monde aurait été puni. Et on trouve ce sens-là dans Surat al-Nahl. Et si Allah se saisissait des gens pour leurs injustices, il n'aurait laissé à la surface de la terre aucune bête. Mais il renvoie cela jusqu'au terme fixé. Puis quand ce terme arrive, ils ne pourront ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et dans ce sens, il y a le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari rapporté par al-Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit personne ou rien n'est plus endurant qu'Allah face à une offense. Et les gens prétendent qu'il a un fils, et pourtant il leur accorde la santé et leur subsistance. وعفوه تعالى نوعان. L'absolution d'Allah est de deux sortes. النوع الأول عفو العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم. Le pardon qu'Allah Azza wa Jal accorde ou l'absolution est de deux sortes. Premièrement, l'absolution générale. Elle touche l'ensemble des gens et comprend même le criminel, le kafir et autres. Comment se manifeste cette absolution générale? Allah Azza wa Jal repousse les sanctions dont les causes sont pourtant réunies et qui exigent l'interruption des faveurs dont ils bénéficient. Normalement, ces actions, ces agissements, ces péchés devraient mener à la cessation des dons, devraient mener à la punition. Parce qu'on insulte Allah, on l'offense, on commet le polythéisme et autres types de péchés. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, نعم فهو يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخلوقات. وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفو وحلمه سبحانه. الله سبحانه وتعالى leur donne la santé, leur accorde la subsistance. Il déverse sur eux toutes sortes de bienfaits, aussi bien apparents que cachés. Et dans tout cela, lorsqu'Allah Azza wa Jal étend sur eux ses largesses de ce bas monde et leur donne de ses bienfaits, des choses qui leur plaisent, des choses qui leur sont utiles, dans tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne du temps et un répit. Mais il ne les néglige pas. Tout cela grâce à son indulgence et son absolution et son indulgence. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type de pardon ou d'absolution accordée par Allah, l'afou l'khas, c'est l'absolution particulière et spécifique. Wa maghfiratuhu l'khasa. للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. Ce pardon particulier, cette absolution particulière est accordée à qui? À ceux qui se repentent, à ceux qui lui demandent pardon, à ceux qui l'invoquent, à ceux qui l'adorent, à ceux qui sont touchés par toutes sortes de malheurs, mais se montrent endurants et espèrent la récompense chez Allah. فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان وكلها داخلة في قول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ainsi, toute personne qui se repent à Allah d'un repentir sincère, c'est-à-dire le repentir qui est fait sincèrement à la recherche du visage d'Allah, le repentir qui est général, le repentir qui englobe toutes les fautes, le repentir qui n'est pas accompagné de doute, ni de continuité, ni de persévérance dans le péché, c'est-à-dire qu'il cesse le péché. Certes, Allah lui pardonne à cette personne, quel que soit le péché commis. Allah pardonne même la mécréance, la perversion. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne la dépravation. Il pardonne tous les péchés. Tous ces péchés-là entrent dans sa parole. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah absout. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le très clément. Donc Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés lorsqu'il y a le repentir. وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي قَبُولِ اللَّهِ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ أَيِّ ذَنْبٍ كَانَ وَكَذَلِكَ الْإِسْتِغْفَارُ الْمُجَرَّدُ يحصل به من المغفرة من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. Très nombreux sont les textes dans le livre et la sunna, le livre c'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrant qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs, quel que soit le péché commis au préalable. Il en est ainsi, il en est également ainsi pour celui qui demande pardon, en disant Astaghfirullah, lui aussi obtient un pardon pour ses péchés, pour ses fautes, selon la demande de pardon qu'il effectue. Dans le hadith à Tam divin, Allah le Très-Haut nous dit: Yabna Adam, inna kama da'outani wa raja'outani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Yabna Adam, lo balagat dhunubuka anana samai thumma staghfartani ghafartu laka wa la ubali. يابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous rapporte, comme c'est dans le cas d'Imam al-Tirmidhi, et c'est le dernier hadith dans le livre de l'Imam al-Nawawi, al-Arba'in al-Nawawi, rahimahullah. Allah le Très-Haut nous dit dans ce hadith à thème divin: Ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et places ton espoir en moi, je te pardonnerai sans prêter attention. Et quels que soient les péchés, les fautes, leur gravité, leur nombre, ô fils de Adam, même si tes péchés atteignent l'étendue du ciel, puis tu implores mon pardon, je te pardonnerai sans y prêter attention. Ô fils de Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre puisse contenir, puis que tu me rencontrais sans rien m'associer, je t'accorderais autant de pardon que la terre peut contenir. Ou plutôt, ô fils de Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre peut contenir, tout en me rencontrant sans m'ayant associé quoi que ce soit, je viendrais à toi avec son équivalent en pardon. وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر سيئات والخطايا. Fait également partie de l'absolution d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son grand pardon, le fait que les bonnes œuvres, les bonnes actions effacent les mauvaises et les péchés. Effacent les mauvaises et les péchés. Dans le verset dans Surat Hud, Allah nous dit: Nal hasanat yudhibna sayyiat. Et dans le hadith: Atbi'i sayyiat al hasanat tamhuha. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa al Hakim wa ghayruhum. Dans le verset: Certes, les mauvaises œuvres effacent, ou certes, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Dans Surat Hud. Et dans le hadith: Et fait suivre une mauvaise action. Fait suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera. Donc après avoir commis une faute, fait une bonne action, elle effacera la mauvaise. وَكَذَلِكَ مِنْ عَفْوِ أَنَّ الْمَصَائِبَ الَّتِي تُصِيبُ الْعَبْدَ فِي نَفْسِهِ وَوَالَدِهِ أَوْ مَالِهِ تُكَفِّرُ سَيِّئَاتُهُ خُصُوصًا إِذَا احْتَسَبَ ثَوَابَهُ وَقَامَ بِوَظِيفَةِ الصَّبْرِ أَوْ الرِّضَى. Fait également partie de l'absolution d'Allah Azza wa Jal, ceux qu'il accorde aux serviteurs lors du malheur. Ceux qui sont touchés d'un malheur, que ce soit dans leur personne, leurs enfants, leur argent, Allah Azza wa Jal efface par cette cause leurs péchés. Particulièrement s'ils espèrent la récompense en mettant en pratique l'endurance. En mettant en pratique, na'am, l'endurance. ومن أعظم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربه بالعظائم والجرائم فيلطف به ربه ويحل عليه عفوه ويشرح صدره للتوبة وتقبل منه ما تابه بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب مع أنه غني حميد لا تنفع طاعة من أطاع ولا تضر معصية من عصى. في partie de la plus grande absolution d'Allah subhanahu wa ta'ala et indulgence envers ses serviteurs, le fait que le serviteur, yani le fait que le serviteur défie, le fait que le serviteur défie son Seigneur par toutes sortes de grands péchés, par toutes sortes de grands péchés, de grandes désobéissances. Malgré tout cela, le Seigneur lui accorde l'absolution de ses péchés, lui accorde son indulgence, apaise sa poitrine et l'élargit vers le repentir. Naam, il fait en sorte que sa poitrine soit disposée au repentir. Puis il accepte sa repentance. Plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit du repentir de son serviteur lorsque ce dernier cesse les péchés et lui demande pardon. Alors qu'Allah est celui qui se passe largement de tout et c'est le digne de louange. L'obéissance de celui qui lui obéit ne lui est en rien utile. La désobéissance de celui qui lui désobéit ne lui nuit en rien, ne lui cause aucun tort. Dans le recueil d'Imam Muslim, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: الله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إلي من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلا فلتت من وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد أيس من راحلتي فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Anas ibn Malik nous mentionne, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, certes Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur quand celui-ci se repent à lui, que l'un de vous qui est dans une terre désertique voit sa monture s'échapper, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson. Découragé, il part s'allonger à l'ombre d'un arbre, ayant perdu tout espoir de la retrouver. Alors qu'il est dans cette situation, subitement elle se présente à lui debout. Il se saisit alors de son mort, puis s'exclame: de par un excès de joie, ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. Ici, c'est la joie la plus grande, la plus profonde qu'on puisse imaginer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous la mentionne en parabole pour nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit grandement du repentir de son serviteur. Et lorsqu'Allah se réjouit de cela, ce n'est pas parce qu'il a besoin de son repentir, mais il a le choix entre le châtier et lui pardonner. Et ici, le serviteur a fait la cause pour ne pas être châtié. Et Allah Azza wa Jal préfère pardonner à son serviteur plutôt que de le châtier. Comme a expliqué Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il convient donc au serviteur de connaître ces noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles seront pour lui une cause de gravir les hauts degrés et de faire des efforts dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire les causes pour être pardonné. Ainsi, il fera beaucoup de demandes de pardon et d'absolution de péché et ne désespérera jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, parmi les effets les plus bénéfiques de la connaissance de ces noms-là, qu'Allah est Al-Afou, celui qui efface les fautes, Al-Rafour, le pardonneur est Tawwab, celui qui guide au repentir puis l'accepte. Parmi les effets, le fait que le serviteur aura toujours espoir en Allah, il souhaitera toujours être pardonné, il aura peur de commettre les péchés, mais il ne désespérera jamais de la miséricorde d'Allah. Il ne cessera de demander son pardon, quel que soit l'éloignement, quels que soient les péchés commis dans le passé. Nous sommes dans le mois de Ramadan, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, les meilleures nuits au monde, les meilleures nuits de toute l'année. Il faut donc avoir un grand espoir en Allah Azza wa Jal, se repentir pour l'ensemble des fautes, lui demander l'absolution des péchés. Aïcha radiallahu anha a dit au messager d'Allah, vois-tu si j'ai connaissance de Laylatul Qadr, si je pense savoir quelle nuit, que cette nuit est Laylatul Qadr, ou dans quelle nuit est Laylatul Qadr, que me recommandes-tu de dire? Il lui a dit, Quli, dis Allahumma, innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es absoluteur, tu aimes l'absolution des péchés. Absous donc mes fautes. Voici la dua à apprendre et à beaucoup prononcer jusqu'à la fin de Ramadan, les nuits de Ramadan. Et on peut dire cette dua de jour comme de nuit, durant Ramadan et en dehors de Ramadan. Mais particulièrement dans les 10 dernières nuits, il faut la prononcer. C'est une sunna enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'attire votre attention sur un point, c'est qu'il y a une version avec l'ajout de Karim. Allahumma innaka afuun karim. Avec l'ajout de ce nom d'Allah, Al-Karim. Cette parole est vraie à 100%. Cette parole est juste. Et c'est yani, un nom d'Allah, Al-Karim. Et c'est une dua qu'on a le droit de dire. Par contre, ici, dans ce hadith, le prophète n'a pas mentionné Al-Karim. Ainsi, l'excellence est de ne pas le mentionner ici et de se contenter de dire ce que le prophète a enseigné à Aïcha. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es l'absoluteur, tu aimes l'absolution des fautes, des péchés. Absous donc mes fautes. Sans ajouter Karim. Barakallahu fikum. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار اللهم إنك عفو غفور غفار تواب فاغفر لنا واعف عنا وتب علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.